Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le canal de Panama. Quand je me dis que j'ai survécu au canal de Panama, je lève les mains au ciel et je dis merci mon Dieu. Parce que j'aurais pu mourir plus d'une fois. Cet ouvrier qui a participé à la construction du canal de Panama a bien raison de remercier le ciel d'en être sorti vivant. On estime qu'un travailleur du canal sur cinq y a laissé sa vie en cours de route. Inauguré officiellement le 20 août 1914, le canal de Panama reste aujourd'hui encore l'un des ouvrages d'ingénierie les plus impressionnants au monde. Et sa construction au début du 20e siècle a permis de réaliser ce très vieux rêve de relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Il y eut d'abord un silence recueilli. Personne n'osait plus parler. Puis, on entendit un grondement sourd, un boum étouffé. Une triple colonne de fumée et de gravats monta dans le ciel et redescendit gracieusement des deux côtés du barrage, telle une fontaine. La foule poussa spontanément un long cri de joie et de soulagement. Et immédiatement, je sus que ce cri resterait gravé dans ma mémoire. Quand l'eau commença à se déverser dans la coupe, les hommes jetèrent leurs chapeaux en l'air. Nous avons vu Yann et l'ingénieur en chef de la coupe se serrer la main. Tous deux étaient en larmes. Nous étions tous très émus. Le témoignage de Rose Van Hardeveld, l'épouse d'un des ouvriers ayant participé à la construction du canal de Panama, qui raconte donc dans ce témoignage la très forte émotion vécue sur le chantier du canal le jour de l'explosion du barrage de Gamboa, le 10 octobre 1913. C'est ce jour-là que les eaux des océans Pacifique et Atlantique se sont rejointes pour la première fois. Ce témoignage est tiré d'un documentaire qui a été présenté à la chaîne Arte. Et pour nous raconter cette histoire fascinante du canal de Panama, je reçois Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour. Raconter, Mylène Desautels, l'histoire du canal de Panama, c'est à la fois parler d'un des plus importants ouvrages d'ingénierie au 20e siècle, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi s'intéresser à la politique étrangère américaine, par exemple. En fait, il y a dans cette histoire-là plein de ramifications. Dites-nous en quelques mots ce que ça permet d'aborder comme thème un sujet comme l'histoire du canal de Panama. Oui, il y a beaucoup de thèmes qui se cachent derrière cette construction impressionnante. D'abord, la première chose, c'est vraiment la prouesse technique que ça a représenté. Dans l'extrait, on le voyait bien, l'émotion, puis ça a fasciné pas seulement les gens qui étaient sur place, mais partout dans le monde, on a parlé de cet exploit-là des Américains, que de creuser là, d'un canal de 80 km qui reliait donc l'Atlantique au Pacifique. Mais c'est aussi plus que ça, parce que le Panama, le pays qu'on connaît bien aujourd'hui, est né dans ce contexte-là. C'est vraiment un morceau de territoire arraché à la Colombie à cause de la volonté des Américains. Donc, c'est une créature des Américains. Et donc, derrière ça, non seulement on voit la naissance du petit pays qui est le Panama, mais en plus, on voit le gros bras du grand frère américain qui... Très représentatif de ce qu'a été pendant des années, des décennies, la politique étrangère américaine. Exactement. C'est une extension de la doctrine Monroe qui dit que l'Amérique centrale et l'Amérique latine, c'est l'arrière-cour des Américains. Et ils vont utiliser toutes les politiques possibles, avec toutes les techniques possibles, on le verra, pour mener à bien leur volonté en Amérique centrale et surtout défendre leurs intérêts. Ouais. Alors, cette construction qui permettait de relier ces deux océans, Atlantique et Pacifique, c'est une vieille idée, Mylène Desautels. L'ouverture, c'est quand même... L'inauguration, c'est le 20 août 1914, mais ça faisait des siècles qu'on rêvait à ça. En fait, dès les Espagnols, on sait qu'ils ont rêvé à ça. Le premier conquistador espagnol qui se rend au Pacifique, c'est Balboa. Et déjà, donc, lui, a cette idée de faire au moins un chemin de mule qui passe à travers la jungle, la montagne. C'est pas un chemin qui est facile. Et dans son rapport, il écrit que c'est une voie névralgique. C'est comme ça qu'on amène tout l'or du Pérou vers l'Espagne. Oui. Et déjà, Charles Quint aimerait qu'on puisse donc creuser un canal, mais très rapidement, on se rend compte qu'au 16e siècle, on n'est pas capable de mener à bien cette entreprise-là. Le terrain est beaucoup trop difficile. Et c'est seulement au milieu du 19e siècle qu'on va reprendre ce vieux rêve-là. Et en fait, c'est beaucoup avec le contexte des Américains, avec la ruée vers l'or de la Californie, se rendre de la côte est, par exemple de New York à la Californie, c'est beaucoup plus rapide en prenant l'isthme du Panama que de passer sur le continent américain. Et donc, et surtout que de faire le détour par le Cap Horn au sud. Ça, c'est extrêmement long. Et donc, les Américains, dès 1850, vont construire un chemin de fer. C'est la première connexion entre les deux océans qui se fait, et c'est eux qui le gèrent et qui le sécurisent. Mais l'idée du canal est là, mais ça les décourage un peu. La construction est extrêmement difficile. Il y a un taux de mortalité très élevé. On ne connaît pas la cause des maladies tropicales. Et donc, il y a énormément de mortalité chez les ouvriers. On ne sait même pas combien, parce que la compagnie qui a la charge de construire le chemin de fer compte seulement les morts blancs et non pas les morts noirs ou des Caraïbes. Et donc, on n'a même pas idée de la mortalité, mais ce qu'on sait, c'est que ça ralentit un peu l'enthousiasme pour un canal. Ouais. Et c'est au fond un Français, le Français Ferdinand de Lesseps, qui va finalement être le premier vraiment à se lancer dans la construction, concrètement, du canal de Panama. Parlez-nous de lui. Qui est-il, Ferdinand de Lesseps, et qu'est-ce qu'il a en tête quand il décide justement de réaliser ce fameux canal? Oui. En fait, il vient un petit peu damer le pion aux Américains. Les Américains ont été un peu échaudés par la construction du chemin de fer. Leur chemin de fer est très profitable, donc ils se contentent de ça. Ils yeutent un petit peu ailleurs, au Nicaragua, et Ferdinand de Lesseps négocie avec la Colombie, parce que l'isthme de Panama fait partie de la Grande Colombie qui vient de devenir indépendante. Et lui négocie donc la concession de l'isthme et le contrat pour construire un canal. Et Lesseps, c'est un peu comme une star internationale de l'ingénierie. Là, on est vraiment là, dans les suites de la révolution industrielle. Et il a donc ce contrat-là, puis on le publicise énormément en France. Ça captive tout le monde. Et même, on incite énormément de petits épargnants de mettre leur petit pécule dans la construction de ce canal qui va vraiment être encore plus spectaculaire que le canal de Suez. Parce que c'est lui qui avait construit le canal de Suez. C'est pour ça que c'est une grande vedette. Exactement. Puis que ça avait fasciné, évidemment, là, la réalisation de là aussi un vieux rêve de construire ce canal-là. Et donc, Lesseps s'amène au Panama, pense que ça va être assez facile. Le plan de faire une écluse, pas une écluse, un canal sans écluse, justement, au niveau de la mer, mais très rapidement, les Français rencontrent tellement de difficultés, à commencer encore par les maladies tropicales et pire dans leur cas, parce qu'eux ont décidé dans les maisons de travailleurs de mettre tous les pattes de table, de chaises, de lits dans des bassins d'eau pour empêcher les fourmis puis autres gros insectes nombreux au Panama de grimper, mais ça fait de l'eau stagnante. Ouais. Et là, il y a vraiment une épidémie de malaria et fièvre jaune. Et donc, le projet avance pas. On décide d'essayer avec des écluses, mais c'est trop tard. Ça fait faillite. Et en fait, c'est un scandale en France. Tous les petits épargnants sont ruinés. Et il y a une nouvelle compagnie qui va émerger en 1894, mais plus personne veut investir dans ce projet-là. Et la machinerie est laissée là, sur place, commence à rouiller, envahie par la jungle. Donc, c'est un premier essai qui est un échec, justement. Ouais. Mais à la suite de cet échec-là, des Français à Panama, les Américains vont revenir sur ce projet, entrepris par Ferdinand de Lesseps. Comment, en fait, parce qu'ils avaient des projets ailleurs, les Américains, mais ils décident de revenir au Panama, comment en viennent-ils à renoncer, justement, au projet d'un canal au Nicaragua pour se tourner vers le Panama? En fait, aux États-Unis, ça devient pressant de bâtir un canal. Le contexte, là, fin 19e siècle, toute la conquête continentale est réalisée et les Américains commencent à développer un impérialisme outre-mer. Hawaï, Guam, Porto Rico, et en 1898, dans une guerre contre l'Espagne, ils vont mettre la main sur Cuba et surtout les Philippines. Mm-hmm. Alors, ils ont un empire entre l'Atlantique et le Pacifique et là, ça devient vraiment une urgence. En plus, en 1901, le président américain McKinley est assassiné et c'est son jeune vice-président, Theodore Roosevelt, 42 ans, hyper dynamique, qui, lui, en fait sa mission personnelle. Il veut un canal en Amérique centrale. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'à peu près tout le monde dans les médias américains disent « Le Panama, c'est une terre maudite. On ne veut pas retourner là. Il y a un chemin de fer, il roule, mais creuser un canal là, ça n'a pas de bon sens. » Et pourtant, c'est bel et bien au Panama qu'on va finir par construire le canal, et notamment à cause d'un Français qui avait racheté la fameuse compagnie qui a fait faillite. Il s'appelle Philippe Buneau-Varia. Et lui, il va faire une œuvre. On dit que c'est un des premiers lobbyistes aux États-Unis avec un avocat américain. Et ils vont... Leur technique, c'est de faire de la désinformation sur le Nicaragua. Entre autres, on dit qu'il y a 14 volcans extrêmement dangereux. On va envoyer des lettres avec des thèmes du volcan en éruption. Convaincre les Américains et le Congrès de ne pas aller au Nicaragua. Exactement. Et par 5 voix, et notamment le poids de Roosevelt, qui a décidé que le Panama, c'était la bonne option. on va donc décider de reprendre la compagnie française et de creuser le canal au Panama. Sur le plan financier aussi, je pense, vous me corrigerez, mais ce bonhomme qui avait racheté la compagnie, Bruno Varilla, il l'offre à pas trop cher aux Américains. Oui, il brade la compagnie parce qu'il sent que là, il n'y aura plus de projet si les Américains construisent au Panama. Ouais. Au Nicaragua, pardon. Mais évidemment, c'est pas... Il y a quand même une autre étape importante sur laquelle Roosevelt va se casser les dents, c'est qu'il doit engager des négociations avec la Colombie. Oui, et là, effectivement. Ça se passe pas comme Non, pas du tout. En fait, le Panama n'est pas un territoire américain. Ça fait partie de la Colombie, puis c'est un morceau chéri de la Colombie parce que c'est justement géostratégique, en géostratégie très important. Et donc, on négocie un traité auprès des Colombiens, traité qui est complètement rejeté par le Sénat colombien en disant « Vous pilez sur notre souveraineté nationale. » Et là, Roosevelt, avec l'aide de Philippe Buno Varilla, va changer sa stratégie, va aller voir les nationalistes de l'île du Panama qui, eux, voudraient se séparer de la Colombie et vont ni plus ni moins offrir un deal. On vous protège militairement, vous pouvez faire votre déclaration d'indépendance, mais après ça, on aura le droit de construire le canal. Et même Philippe Buno Varilla, qui n'a pas mis les pieds au Panama depuis 18 ans, se négocie quand même le titre de ministre plénipotentiaire du nouvel État à venir, celui du Panama. Donc ça, c'est fascinant. C'est grâce à cet appui des États-Unis que le Panama, l'État du Panama, vient au monde. Exactement. Puis même, c'est quasi rocambolesque. Là, la Colombie, évidemment, ne l'accepte pas, dépêche un bateau militaire avec peut-être à peu près 500 militaires à bord. Et là, le petit Panama, sans armée, se retrouve un peu mal pris en attendant le support militaire des États-Unis qui est en route. Et là, c'est une ruse, carrément, qui va permettre de déjouer donc la protection de la Colombie. On dit aux 15 officiers en charge des militaires qui sont convoqués à Panama City par le gouverneur colombien. Alors, ils prennent le train et on leur dit « Inquiétez-vous pas, vos troupes vont suivre bientôt. » Et en arrivant à Panama City, c'est pas le gouverneur qui les accueille. Lui a été tassé, la déclaration d'indépendance s'est faite et on emprisonne les officiers. Et donc, c'est par une espèce de passe-passe comme ça. Puis entre-temps, le bateau américain est arrivé. Il se stationne au large dans les Caraïbes, au large de Colón, qui est la ville d'entrée. Et donc, le message est clair. La Colombie n'a pas les moyens militaires de se défendre au Panama. Et en plus, les Américains vont se tricoter un accord extrêmement avantageux sans même consulter les Panaméens indépendantistes. Donc, coup dur pour la Colombie qui probablement ne le digérera à peu près jamais. La digérera à peu près jamais, cette perte du Panama. Les Américains, donc, s'engagent. Ils ont tout ce qu'il faut maintenant. Ils ont réussi à créer pour des intérêts économiques ce petit pays, le Panama, s'engagent à la construction du canal. 10 ans. Vous l'avez déjà évoqué, les premiers projets, là, ça avait été très, très difficile, les moustiques. C'est le même territoire et les mêmes défis auxquels s'attaquent les Américains. Comment ça va se passer? C'est un gigantesque chantier, évidemment. Oui. Et première surprise, c'est quand les Américains arrivent, la compagnie qu'ils ont achetée pour pas très cher, le matériel est vraiment quasi inutilisable. Le canal a quand même été creusé à peu près aux 2/5, mais la machinerie française, puis même tous les bâtiments là, qu'on doit utiliser pour loger les ouvriers, là, tout est à reconstruire. Et ils ont encore le même problème des maladies tropicales, la malaria, la fièvre jaune, sauf que là, on commence à en connaître plus l'origine, et notamment à cause de la guerre à Cuba là, qui les a aidés. Et il y a un médecin américain qui insiste pour dire que c'est les moustiques qui sont responsables. Au début, il se fait traiter d'un peu timbré, c'est l'expression qui est utilisée, et on dit que c'est un peu... laissez-nous nous concentrer sur le canal, pas sur les moustiques, mais finalement, il réussit à imposer les filets, la fumigation, et donc... Peu à peu, il va avoir ce succès-là qui va vraiment donner des coudées plus franches pour la construction. Mais malgré ça, ça reste tout un chantier. Au début, on veut encore construire sans écluse, mais finalement, on se rend compte que c'est impossible. La crue des eaux est tellement puissante qu'on n'arrive jamais à creuser une tranchée stable. Et donc, on va finalement changer de projet pour faire 3 écluses. Donc, c'est vraiment une œuvre d'ingénierie très impressionnante. Et on va réussir enfin à faire donc ce canal-là. Mais évidemment, les conditions de travail travail comme pour le chemin de fer, ça reste horrible. Les taux de mortalité sont difficiles à calculer parce qu'on en cache beaucoup, mais on dit à peu près 20 %. Ouais. Et surtout, sur place, il y a un système de ségrégation raciale. Donc, il y a deux catégories de travailleurs. Il y a les « gold » et les « silver ». Les « gold » étant les blancs, beaucoup mieux rémunérés, sont en forte minorité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller travailler au Panama. Et les « silver » étant des travailleurs noirs qui viennent à peine des États-Unis, en fait, plutôt des Caraïbes. On voit, par exemple, presque vider la Barbade de des jeunes hommes en santé pour aller travailler donc sur le canal de Panama avec des conditions, évidemment, extrêmement difficiles. Et c'est le 15 août 1914, qui est officiellement inauguré, donc, ce fameux canal de Panama. Oui, c'est avec un télégramme du président Wilson, donc, qui va rompre une digue. C'est ce qu'on entendait dans l'extrait de début, là, très impressionnante, parce que la quantité d'eau est quand même importante. Et ça va, donc, finalement relier ce vieux rêve-là, les deux océans. Et un an plus tard, donc, le trafic de bateaux peut commencer. Et ça devient vraiment un point névralgique pour les Américains, très profitable au niveau économique. Et les Américains vont surtout avoir toute liberté quand ils se sont négociés avec le Panama, le nouveau petit pays qui n'avait pas beaucoup d'emprise. Ils se sont négociés non seulement les 80 km, mais 8 km de chaque côté. Mm-hmm. Et là-dessus, la loi panaméenne ne s'applique pas. Et plus encore, les Américains, eux, ont le droit d'intervenir partout au Panama pour maintenir l'ordre. Et donc, cette zone du canal devient vraiment une assise pour la puissance militaire américaine en Amérique centrale et en Amérique latine. Notamment durant la guerre froide, les Américains vont installer plusieurs bases militaires et, entre autres, cette école qu'on appelle le School of Americas, qui était pour former des officiers militaires latino-américains qui allaient renverser ou aider à renverser tout mouvement de gauche en Amérique latine. Oui. On sait, par exemple, qu'il y a beaucoup d'officiers chiliens qui ont été formés au School of America dans cette espèce de zone hors la loi. La Constitution américaine ne s'applique pas dans la zone du canal du Panama. Donc, ça devient vraiment économiquement profitable, mais politiquement et militairement aussi très intéressant pour les Américains. Oui. Mais évidemment, au Panama, avec le temps qui passe, on se dit que ça devrait nous appartenir. Les tensions vont monter, d'ailleurs, entre le Panama et les États-Unis. La jeunesse du Panama, entre autres, est assez active à un moment donné. En 77, donc, les États-Unis acceptent par traité de céder au Panama le contrôle du canal. On écoute le président de l'époque, Jimmy Carter, lors de la cérémonie de signature officielle de ce traité, le 7 septembre 1977. J'ai l'honneur de céder la parole à l'excellentissime Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Jimmy Carter. We are here to participate in the signing of treaties which will assure. Nous sommes ici pour participer à la signature d'un traité qui assurera un avenir pacifique, prospère et sécuritaire à une voie navigable internationale qui est d'une grande importance pour nous tous. Of great importance to us all. But the treaties do more than that. Mais le traité fait encore plus que cela. Il marque l'attachement des États-Unis à cette conviction que l'équité et non la force doit être au cœur de nos relations avec les autres nations du monde. Si l'on veut qu'un accord entre deux nations puisse durer, il doit servir au mieux les intérêts de ces deux nations. C'est ce que propose ce nouveau traité, en garantissant la neutralité du canal de Panama, tout en servant le meilleur intérêt de chaque nation qui utilise le canal. And by guaranteeing the neutrality of the Panama Canal, the treaties also serve the best interest of every nation that uses the canal. Comment vient-on? C'est intéressant ce que Jimmy Carter dit parce qu'on entend la logique. Ça peut surprendre pourquoi les États-Unis renoncent au canal de Panama. Comment ils en viennent? On entend donc dans cet extrait qui remonte à 77 à lâcher le morceau, comme on dit. Bien, en fait, c'est parce qu'il y a une résistance panaméenne et elle est là depuis le début. Les Panaméens ont été frustrés par la façon dont ça s'est passé puis surtout les largesses que les Américains se sont eux-mêmes octroyées avec très peu de dividendes pour le Panama. Ça coupe leur pays en deux et ça leur rapporte très, très peu. Et donc, il y a une contestation qui commence à naître, surtout dans les années 50. Et à chaque fois, le gouvernement américain va réprimer ça de façon très sévère. Et notamment en 1964, au Panama, on appelle ça le jour des martyrs. Encore ce jour, c'est le jour férié le plus important au Panama, où 27 étudiants sont tués par les forces militaires américaines. Et là, ça fait vraiment grimper la grogne. Et donc, cette résistance-là fait en sorte que pour les Américains, ça devient de plus en plus compliqué de gérer ce canal-là. Et donc, c'est ce qui va mener à ces négociations en 1977. Mais on se donne quasi 20 ans de retrait. Là, c'est seulement en 1999 que finalement, officiellement, le Panama redevient propriétaire de son canal et n'a plus un petit pays coupé en deux. Mais les Américains vont rajouter une petite touche. Ils vont se garder, ils vont adopter un amendement unilatéral qui leur donne quand même le droit d'intervenir à tout moment dans les affaires du Panama. Donc, il y a un petit détail qu'ils ont gardé. C'est ce qui va d'ailleurs provoquer une intervention en 1989 pour déloger Noriega du Panama. Ah, oui. Ils vont utiliser ce petit détail-là qu'ils ont gardé dans leur accord de retrait. Mais 99, quand même, c'est la date où les Panaméens peuvent officiellement retrouver le contrôle du canal. Puis assez vite, ils vont se mettre eux-mêmes à se dire il faut le moderniser, il faut l'améliorer. Ce qui fait que le 26 juin 2016, on inaugure le nouveau canal de Panama, un canal largement amélioré. On écoute à ce propos un extrait de reportage présenté à France Info en juin 2016. 300 mètres de long, 48 de large, ce gigantesque cargo chinois de 94 000 tonnes est le premier à réaliser la traversée. Il a été tiré au sort et il est salué par des milliers de personnes venues inaugurer le nouveau canal de Panama, au premier rang desquels le président Juan Carlos Varela. Si notre continent et si le monde est relié, c'est grâce à notre route maritime. 80 km de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique qu'il a fallu élargir pour accueillir les nouveaux navires transportant jusqu'à 12 000 conteneurs et qui avant ne pouvaient pas passer. Un chantier pharaonique qui a duré 9 ans et coûté 8 milliards d'euros. Aujourd'hui, Mylène Desautels, que dire de cet actuel canal de Panama qui était décrit dans ce reportage? Bien, ça reste encore une œuvre d'ingénierie très impressionnante. Quand on l'a élargi à partir de 2007, on a pu accueillir ces immenses bateaux, ces géants qui passent. Et ça reste que les écluses aussi ont dû s'adapter. Donc, encore là, ça a fasciné évidemment toute l'œuvre qui est derrière ça. Et il y a un trafic extrêmement important. À chaque année, ça prend 9 heures de traverse, mais il y a quand même un nombre des milliers de bateaux qui le traversent, donc c'est sans arrêt, donc un trafic très important. Et pour le Panama, ça devient évidemment un trafic très, très profitable. Le Panama a pu regagner sa souveraineté avec ça, et dorénavant, c'est au Panama que ça vient profiter, donc ce grand canal-là. Contribution économique, est-ce que c'est la principale du pays? En tout cas, c'est une... Oui, puis même, on dit souvent que le Panama est encore coupé en deux, la richesse autour du canal et le reste du pays. Donc, il y a encore un contraste assez important entre cette ligne-là qui est économiquement très profitable et le reste du pays qui en profite beaucoup moins, évidemment. Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande, à la technique aujourd'hui Dominique Beaudoin. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.